Chapitre 4. Adeline attendait avec impatience, à la fenêtre de sa chambre, l'heure où le soleil déclinant derrière les collines lointaines hâtait le moment de son départ. Son coucher était extraordinairement lumineux et dardait des rayons de feu à travers les arbres et sur quelques fragments épars de la ruine qu'elle ne pouvait regarder avec indifférence. « Probablement, dit-elle, je ne reverrai jamais le soleil se cacher sous ses coteaux ou éclairer cette scène. Où serais-je à son premier coucher ? Où serais-je demain à cette heure-ci ? Peut-être au comble de l'infortune ?» À cette idée, elle pleura. « Encore quelques heures, reprit-elle, et le marquis arrivera. Encore quelques heures, et cette abbaye deviendra un théâtre de tumulte et de confusion. Tous les yeux vont me chercher, tous les réduits seront visités. » Ces réflexions lui inspirèrent de nouvelles terreurs et redoublèrent son empressement de partir. L'obscurité arriva par degrés. Elle la jugea bientôt assez forte pour risquer de sortir, mais auparavant elle se mit à genoux et fit sa prière au ciel. Elle implora l'appui du Dieu des miséricordes et se remit entre ses mains. Après cela, elle quitta sa chambre et descendit avec précaution l'escalier tournant. Elle ne rencontra personne, et franchissant la porte de la tour, elle entra dans la forêt. Elle regarda autour d'elle tous les objets découverts de l'ombre du soir. Elle cherche en palpitant le sentier que Pierre lui avait montré et qui conduisait au tombeau. Elle le trouve et s'avance saisie de crainte. Souvent elle tressaillit lorsque le zéphyr agitait le feuillage léger, ou lorsque les chauves-souris voltigeaient dans le crépuscule. Souvent aussi, lorsqu'elle tournait ses regards du côté de l'abbaye, elle croyait voir des figures d'hommes à travers les ombres qui redoublaient. Après avoir fait quelques chemins, elle entendit tout d'un coup des pas de chevaux, et bientôt après, un bruit de voix. Elle distingua celle du marquis. On paraissait venir du côté où elle s'avançait, et le bruit approchait. L'épouvante arrêta ses pas pendant quelques minutes. Elle demeura dans un état d'hésitation terrible. Aller en avant, c'était se jeter entre les mains du marquis. Rebrousser chemin, c'était tomber au pouvoir de Lamotte. Après quelque temps de cette incertitude, le bruit prit soudain une autre direction et la troupe tourna du côté de l'abbaye. La terreur d'Adeline cessa pour quelques moments. Elle comprit alors que le marquis n'avait passé en cet endroit que parce que c'était sa route pour aller à l'abbaye, et elle se hâta pour aller se cacher dans la ruine. Elle y arrive enfin après beaucoup de difficultés, car l'épaisseur de l'ombre l'empêchait presque de se reconnaître. Elle s'arrête à l'entrée, effrayée par le silence qui régnait au-dedans et par la profonde obscurité du lieu. À la fin, elle se détermine à se promener en dehors jusqu'à l'arrivée de Pierre. « Si quelqu'un s'approche, dit-elle, j'entendrai avant qu'on puisse me voir, et alors je me cacherai dans la cellule. » Elle s'appuya contre un fragment du tombeau, dans une attente craintive. Elle avait beau écouter, aucun bruit ne troublait le silence. On ne peut se faire une idée de l'état de son âme, qu'en considérant que cet instant allait décider de son sort. « On a maintenant découvert ma fuite, dit-elle. On me cherche partout dans l'abbaye. J'entends leur voix terrible m'appeler. Je vois leurs regards enflammés. » Elle céda presque au pouvoir de son imagination. Tandis qu'elle regardait encore autour d'elle, elle vit des lumières s'agiter dans l'éloignement. Tantôt elle brillait au travers des arbres et tantôt elle disparaissait. Elle semblait être dans la même direction que l'abbaye. Et Adeline se ressouvint alors que le matin, elle avait aperçu une partie de la fabrique par une clairière de la forêt. Elle ne douta donc plus que ces lumières ne vinssent des gens qui la cherchaient. Elle craignait que, ne la trouvant pas à l'abbaye, ils ne prissent le chemin du tombeau. Elle regarda cet asile comme trop voisin de ses ennemis pour y être en sûreté et aurait voulu gagner un endroit de la forêt plus éloigné. Mais elle se rappela que Pierre ne saurait plus où la trouver. Pendant que ses pensées se succédaient dans son âme, elle entendit dans l'air des voix éloignées et allait promptement se cacher dans la cellule lorsqu'elle vit les lumières disparaître tout à coup. Bientôt régnèrent partout le silence et l'ombre. Elle tâcha néanmoins de trouver le chemin de la cellule. Elle se rappela la position de la porte extérieure et du passage, et après les avoir traversées, elle ouvrit la porte de la cellule. En dedans, tout était dans la plus noire obscurité. Elle frissonnait, mais elle entra, et après avoir tâtonné le long des murs, elle s'assit sur une pierre détachée. Elle se recommanda de nouveau à Dieu, et s'efforça de ranimer ses esprits jusqu'à l'arrivée de Pierre. Elle avait passé environ une demi-heure dans ce sombre caveau, et aucun bruit n'annonçait son approche. Elle perdit courage. Elle trembla qu'une partie de leur projet n'eût été découverte ou contrariée, ou qu'il ne fût retenu par Lamotte. Cette persuasion redoubla ses craintes, au point de la résoudre à sortir seule de la cellule et à chercher dans la fuite la seule chance de salut qui lui resta. Pendant que ce dessein flottait dans son âme, elle distingua par la grille d'en haut les pas d'un cheval. Le bruit approche et s'arrête enfin au tombeau. Le moment d'après, elle entendit trois coups de fouet. Le cœur lui battait et son agitation était si forte qu'elle ne fit aucun effort pour quitter la cellule. Les coups se répètent. Alors elle ranime ses esprits, elle s'avance et monte dans la forêt. Elle appelle « Pierre !» car l'épaisseur de l'obscurité ne lui laissait distinguer ni l'homme ni le cheval. On lui répondit tout de suite « Paix, mamselle, nos voix nous trahiront !» Ils montèrent à cheval et coururent aussi vite que l'obscurité le permettait. Adeline sentait son cœur renaître à chaque pas. Elle demanda ce qui s'était passé à l'abbaye et comment il avait fait pour s'échapper. « Parlez bas, mamselle, vous saurez tout, mais je ne peux pas vous le dire à présent. » À peine finissait-il qu'ils virent des lumières se mouvoir à une certaine distance, et arrivant alors dans un endroit de la forêt plus ouvert, il partit au grand galop et continua du même train tant que le cheval y put tenir. Ils regardèrent derrière, mais aucune lumière ne paraissant, la terreur d'Adeline se calma. Elle demanda encore ce qui s'était passé à l'abbaye quand on eut découvert sa fuite. « Vous pouvez parler sans crainte d'être entendu, » dit-elle. « Nous voilà, j'espère, assez loin pour qu'on nous puisse nous rejoindre. »« Vraiment, mamselle, » dit-il, « il n'y avait pas longtemps que vous étiez parti lorsque le marquis est arrivé. C'est alors que M. Lamothe s'est aperçu de votre évasion. Sur cela, grand tumulte, et il a eu une longue conversation avec le marquis. « Parlez plus haut, » dit Adeline, « je ne vous entends pas. »« Oui, mamselle. »« Oh, ciel !» interrompit Adeline, « quelle est cette voix ? Ce n'est pas celle de Pierre. » « Au nom de Dieu, dites-moi qui vous êtes et où nous allons ?»« Vous le saurez assez tôt, ma jeune dame, » répondit l'étranger, car en effet ce n'était pas Pierre. « J'exécute les ordres de mon maître. » Adeline, ne doutant plus que ce ne fût un domestique du marquis, essaya de se laisser couler à terre, mais le valet descendit et l'attacha sur le cheval. Son âme entrevit une faible lueur d'espérance. Elle tâcha d'émouvoir la pitié de cet homme et le conjura avec toute l'éloquence de sa douleur. Mais il entendait trop bien ses intérêts pour céder, même un instant, à la compassion que ses prières sans art lui inspiraient malgré lui. Alors elle s'abandonna au désespoir, et dans un silence forcé, elle se soumit à sa destinée. Ils continuèrent ainsi leur marche, jusqu'à ce qu'une forte averse, accompagnée de tonnerres et d'éclairs, leur fit gagner l'épaisseur d'un bosquet touffu. Le valet s'y croyait en sûreté, et Adeline se souciait trop peu de la vie pour le dissuader de son erreur. L'orage fut long et violent. Mais dès qu'il fut passé, ils se remirent au grand galop. Après avoir couru environ 2 heures, ils arrivèrent au bord de la forêt et bientôt à un mur élevé et solitaire qu'Adeline ne pouvait distinguer que la clarté de la lune qui se montrait alors entre les nuages. Là, ils s'arrêtèrent. L'homme descendit et, ayant ouvert une petite porte pratiquée dans le mur, il détacha Adeline qui jetait des cris involontaires et superflus pendant qu'il l'enlevait de dessus le cheval. La porte s'ouvrait sur un passage étroit obscurément éclairé par une lampe suspendue à l'autre extrémité. Il la conduit, ils arrivent à une autre porte. Elle s'ouvre et montre un magnifique salon, superbement éclairé et meublé dans le goût le plus frivole et le plus recherché. Sur les murs étaient peintes à fresque les métamorphoses d'Ovide. Une tenture de soie régnait au-dessus avec une garniture de franges et de riches festons. Les ottomanes étaient d'une étoffe assortie aux tapisseries. Du centre du plafond, représentant une scène de l'armide du Tasse, descendait une lampe d'argent d'une forme étrusque. Elle répandait une vive lumière qui, réfléchie par de larges glaces pareilles, illuminait le salon complètement. Des bustes d'Horace, d'Ovide, d'Anacréon, de Tibulle et de Pétrone ornaient les encoignures et des fleurs assemblées dans des vases étrusques exhalaient les plus délicieuses odeurs. Au milieu de l'appartement était une petite table couverte d'une collation de fruits, de glace et de liqueur. Personne ne se montrait. Tout cela paraissait l'ouvrage de l'enchantement et ressemblait plutôt à un palais de fées que rien de ce qui sort de la main des hommes. Adeline fut saisie d'étonnement et demanda où elle était. Mais le valet refusa de répondre à ses questions, et après l'avoir engagée à prendre quelques rafraîchissements, il la laissa. Elle s'approcha des croisées. La clarté de la lune lui découvrit un jardin spacieux où les bosquets, les clairières et les eaux, brillantés par le clair de lune, composait une scène d'une beauté variée et romantique. « Que peut signifier cela ? » dit-elle. « Est-ce un charme pour m'entraîner à ma perte ?» Dans l'espoir de s'échapper, elle s'efforça d'ouvrir les fenêtres, mais elles étaient toutes condamnées. Ensuite, elle tenta d'ouvrir différentes portes et les trouva pareillement fermées. Voyant qu'on lui avait ôté tout moyen de se sauver, elle demeura quelque temps plongée dans le chagrin et dans la réflexion. Mais elle fut à la fin tirée de sa rêverie par les accents d'une douce musique, dont les sons enchanteurs suspendaient les souffrances et disposaient l'âme à la tendresse et aux délices de la contemplation. Adeline écouta avec surprise, se calma insensiblement et se laissa intéresser. Une tendre mélancolie s'empara de son cœur et triompha de toutes les sensations pénibles. Mais au moment où cessa la mélodie, l'enchantement s'évanouit et elle revint au sentiment de sa situation. La musique recommence. Elle cède encore par degrés à sa douce magie. Une voix de femme, accompagnée par un luth, un hautbois et un petit nombre d'autres instruments, fit alors entendre des sons si célestes qu'ils ravissaient l'attention en extase. La voix s'affaiblissait graduellement et ne rendait que quelques notes simples avec une douceur pathétique. Tout à coup, le mouvement change et sur un air léger et gai, Adeline distingue les paroles suivantes. Chanson. Toute la vie est un mouvant prestige, des biens, des mots, des ombres, des clartés. Chassez les mots dont l'aspect vous afflige. Cueillez en fleurs les frêles voluptés. Nous nous peignons de couleurs mensongères, la peine affreuse et le riant plaisir. Si tous les deux ne sont que des chimères, rêvez un bien, n'est-ce pas en jouir? Que la sagesse enfin vous désabuse. Elle vous dit, vos beaux jours sont comptés. L'espoir promet et l'avenir refuse. Cueillis en fleurs les frêles voluptés. La musique cessa, mais les sons vibraient sur son imagination, et il était tombé dans la charmante langueur qui lui avait inspirée. Soudain, la porte s'ouvrit, et le marquis de Montalt parut. Il s'approcha du sofa où était assise Adeline, et lui adressa la parole. Elle ne l'entendit pas, elle s'était évanouie. Il tâcha de la faire revenir, et y réussit enfin. Mais en ouvrant les yeux, et en le revoyant, elle tomba dans un état d'insensibilité. Après avoir essayé divers moyens pour lui rendre la connaissance, il fut forcé d'appeler du secours. Deux jeunes femmes entrèrent, et dès qu'elle commença à reprendre ses sens, il les laissa avec elle pour la préparer à le revoir. Lorsqu'Adeline s'aperçut que le marquis s'en était allé et que des femmes prenaient soin d'elle, ses esprits se ranimèrent par degrés. Elle regarda celle qui la servait et fut étonnée de voir tant d'appât et tant d'élégance. Elle fit quelques tentatives pour intéresser leur pitié, mais elles parurent absolument insensibles à sa détresse et se mirent à parler du marquis dans le langage de la plus haute admiration. Elles l'assurèrent qu'elle ne devait s'en prendre qu'à elle-même si elle n'était pas heureuse et lui conseillèrent de le paraître en sa présence. Ce fut avec une peine extrême qu'Adeline retint l'expression du mépris qui venait au bord de ses lèvres et qu'elle écouta leur discours en silence. Mais elle sentait le danger et l'inutilité de s'y refuser et elle maîtrisa ses sensations. C'est ainsi qu'elles continuaient leurs éloges du marquis lorsqu'il se montra lui-même. Il fit un signe de la main. Elles quittèrent aussitôt l'appartement. Adeline le regarda avec une sorte de désespoir muet. Il s'approche, lui prend la main. Elle la retire vivement. Et se détournant avec un air de détresse inexprimable, elle fond en larmes. Il garda quelque temps le silence et parut touché de sa souffrance. Mais s'approchant de nouveau et lui adressant la parole d'un ton aimable, il la conjura de pardonner une démarche que lui avait suggéré, disait-il, le désespoir et l'amour. Elle était trop absorbée dans la douleur pour répondre, mais lorsqu'il la pressa de payer sa passion de quelques retours, l'accablement fit place à l'indignation et elle lui reprocha sa conduite. Il fit valoir qu'il l'avait longtemps aimée et recherchée dans des vues honnêtes. Il commença à répéter l'offre de sa main, mais en levant les yeux sur Adeline, il lut dans ses regards le mépris qu'elle méritait, d'après sa propre conscience. Il fut interdit pour un moment, et sembla reconnaître que son projet était découvert, et sa personne dédaignée. Mais reprenant bientôt son empire ordinaire sur les traits de son visage, il la pressa de nouveau, avec les plus vives sollicitations de lui accorder son amour. Un instant de réflexion fit voir Adeline le danger d'irriter son orgueil par un aveu de mépris que lui inspirait cette offre prétendue de mariage, et elle ne jugea pas convenable de descendre à la politique de la dissimulation dans une conjoncture qui intéressait l'honneur et le repos de sa vie. Elle vit que le seul moyen d'échapper à ses desseins criminels, c'était de les éloigner. Elle lui laissa croire qu'elle ignorait que la marquise était vivante et que ses offres n'étaient qu'un piège. Il remarqua qu'elle hésitait, et impatient de tirer avantage de cette incertitude, il renouvela sa proposition avec un surcroît de chaleur. « Demain nous serons unis, aimable Adeline. Demain vous consentirez à devenir la marquise de Montalt. Alors vous répondrez à ma flamme et... » Il faut auparavant mériter mon estime, monsieur. Je la mériterai, je la mérite. N'êtes-vous pas à présent à mon pouvoir? Et ne me suis-je pas défendu de profiter de votre situation? Ne vous fais-je pas les propositions les plus honorables? Adeline frissonna. Si vous désirez mon estime, monsieur, tâchez, s'il est possible, de me faire oublier par quels moyens je suis tombé en votre puissance. Si vos vues sont réellement honnêtes, prouvez-le en me rendant ma liberté. Aimable Adeline, voulez-vous donc fuir loin de celui qui vous adore? Répliqua le marquis, avec un air de tendresse étudié. Pourquoi exiger de moi une preuve aussi cruelle de désintéressement, d'un désintéressement incompatible avec l'amour? Non, charmante Adeline, que je goûte au moins le plaisir de vous contempler, jusqu'au moment où des nœuds solennels écarteront tout obstacle à mon amour. Demain, Adeline vit le danger qu'elle courait et l'interrompit. Méritez mon estime, monsieur, et vous l'obtiendrez. Faites un premier pas pour y parvenir en me délivrant d'une captivité qui me force de ne vous regarder qu'avec crainte et aversion. Comment puis-je croire à vos protestations d'amour tant que vous ne paraîtrez prendre aucun intérêt à mon bonheur? C'est ainsi qu'étrangère jusqu'alors aux artifices de la dissimulation, Adeline se permit d'y avoir recours en déguisant son indignation et son mépris. Mais bien que ce ne fût que pour se garantir du plus grand péril, elle n'employa cette ruse qu'avec répugnance, presque avec horreur. Et quoique sa dissimulation eût certainement une bonne fin, à peine pouvait-elle se persuader que cette fin pût justifier les moyens. Le marquis persista dans ses sophismes. Pouvez-vous mettre en doute la réalité d'une passion qui, pour vous obtenir, m'a exposé au risque de vous déplaire? Mais n'ai-je pas consulté votre bonheur jusque dans cette même conduite que vous me reprochez? D'un séjour affreux et solitaire, je vous ai transporté dans une brillante maison de plaisance, où tous les objets de luxe sont à vos ordres, où tout le monde va se conformer à vos vœux. Le premier de mes vœux, dit Adeline, c'est de sortir d'ici. Je vous supplie, je vous conjure de ne pas m'y retenir plus longtemps. Je suis une malheureuse orpheline, sans amis, exposée à mille dangers, et peut-être abandonnée à l'infortune. Je ne voudrais pas vous offenser, mais permettez-moi de dire qu'il n'est point pour moi de malheur au-dessus de celui que j'éprouverai si je demeure dans ces lieux, ou si je suis encore poursuivi partout ailleurs par les offres que vous me faites. » Adeline avait déjà oublié sa politique. Des larmes l'empêchèrent de poursuivre, et il détourna la tête pour cacher son émotion. « Au nom du ciel, Adeline, vous me faites injure, » dit le marquis en se levant et en lui saisissant la main. « Je vous aime, je vous adore, mais vous doutez de ma passion, et vous êtes insensible à mes vœux. Vous partagerez tous les plaisirs de cette demeure, mais vous n'en sortirez pas. » Elle dégagea sa main, et dans une angoisse silencieuse, elle gagna une des extrémités du salon. De profonds soupirs s'échappèrent de son cœur, et presque en défaillance, elle s'appuya sur une fenêtre pour se soutenir. Le marquis la suivit. « Pourquoi, dit-il, persistez aussi obstinément dans le refus de votre bonheur? Songez aux propositions que je vous ai faites, et acceptez-les tandis que vous le pouvez encore. Demain, un prêtre nous unira. Assurément, lorsque je vous tiens ainsi en ma puissance, votre intérêt doit être d'y consentir. » Adeline ne put répondre que par des larmes. Elle désespérait d'amener son cœur à la pitié, et tremblait d'irriter son orgueil par le mépris. Elle souffrit qu'il la conduisît à un siège auprès de la collation. Il la pressa de goûter de plusieurs confitures et surtout de certaines liqueurs dont il but lui-même fort cavalièrement. Adeline n'accepta qu'une pêche. Le marquis, interprétant son silence comme un acquiescement secret à ses propositions, reprenait tout son enjouement et sa vivacité, tandis que les regards enflammés qu'il ne cessait de jeter sur Adeline la remplissaient de trouble et d'indignation. Au milieu du banquet, une douce musique joua de nouveau les airs les plus tendres et les plus passionnés. Mais elle n'avait plus aucun pouvoir sur Adeline. Son âme était trop gênée et trop attristée par la présence du marquis pour recevoir même les adoucissements de l'harmonie. Une chanson se fit entendre. Elle était écrite avec cet art impuissant sous lequel les poètes voluptueux croient pouvoir cacher et recommander tout ensemble les principes du vice. Adeline la reçut avec mépris et mécontentement. Le marquis s'en aperçut et fit signe d'exécuter un autre morceau qui, en réunissant la force de la poésie au charme de la musique, put détourner son âme des objets présents et la plonger dans un agréable délire. L'esprit fait. Stance. J'habite le silence et l'ombre, je nage dans les feux du jour. De la caverne la plus sombre, je perce le plus noir des tours. je plonge du haut des nuages dans l'abîme des flots amers. J'en effleure tous les rivages jusqu'au debout de l'univers. Au soleil, ma course est lancée, poursuit son char et me fait voir des distances que la pensée n'ose elle-même concevoir. La nuit, lorsque je fais mes rondes dans les vallons, dans les forêts, j'entends la musique des mondes que nul mortel n'ouïe jamais. Assis auprès d'une onde pure et sous l'étouffe d'un berceau, je prête l'oreille au murmure et du feuillage et du ruisseau. Sur un roc à tête chenue, au bord des mers, je vais m'asseoir pour regarder l'or de la nuit s'éteindre dans l'ombre du soir. Sur la vague silencieuse, quand tous les vents sont amortis, j'entends la conque harmonieuse des belles nymphes de Tétis. Douce musique, elle résonne tendrement. Le son s'éteint, mon œil lui donne des larmes de ravissement. De Phoebé, la pâle lumière qui perce les rameaux mouvants m'invite au sein de la clairière à rôder sur l'aile des vents. Je gagne une route en ruine qu'au clair de lune j'entrevois. Le voyageur qui seul chemine n'y passe plus qu'avec effroi. Des bruits légers, des apparences, pour lui sont des voix et des corps. Un souffle, après d'affreux silences, c'est le gémissement des morts. Le soir, dans les mourants zéphyrs, le barde m'entend murmurer. J'enfante les plus grands délires, et je fais peur sans me montrer. Quand la voix eut cessé, un corps fit entendre de loin un air plaintif, exécuté avec l'expression la plus exquise. Tantôt les sons flottaient dans l'air en douces ondulations, tantôt ils s'enflaient en accents pleins et nourris, tantôt ils s'affaiblissaient et mouraient dans le silence. Bientôt ils s'élevèrent en une mélodie si douce et si tendre qu'elle arrachait des larmes à Adeline, et des exclamations de ravissement au marquis. Il passa son bras autour d'elle et voulait l'attirer à lui, mais elle se dégagea de ses embrassements et d'un coup d'œil où était empreinte la ferme dignité de la vertu, elle lui en imposa. Pénétré au fond de l'âme d'une supériorité qu'il rougissait de reconnaître, et s'efforçant de mépriser une influence à laquelle il ne pouvait résister, adorateur du vice, il fut un moment l'esclave de la vertu. Mais il reprit bientôt son assurance et fit parler sa flamme. Adeline, abandonnée par le courage qu'elle venait de déployer, et accablée de langueur et de fatigue par les nombreuses et violentes agitations de son âme, le conjura de la laisser jouir du repos. La pâleur de son visage et le son tremblant de sa voix étaient trop expressifs pour n'être pas compris. Le marquis lui dit de songer au lendemain, et après avoir un peu hésité, il se retira. Dès qu'elle fut seule, elle donna un libre cours aux angoisses de son âme. Absorbée dans la douleur, elle resta quelques moments sans s'apercevoir qu'elle était auprès des jeunes femmes qui l'avaient déjà servie. Elles étaient rentrées dans le salon au moment où le marquis en sortait. Elle venait la prendre pour la conduire à sa chambre. Adeline les suivit quelque temps sans rien dire. Enfin, poussée par le désespoir, elle fit de nouveaux efforts pour exciter leur compassion, mais elles répétèrent les louanges du marquis. Voyant donc que toutes ses tentatives pour les intéresser en sa faveur étaient inutiles, elle les congédia. Elle ferma à clef la porte par où elles étaient sorties, et dans la faible espérance de découvrir quelque moyen d'évasion, elle examina sa chambre. L'élégance frivole de l'ameublement et une foule d'objets de luxe semblaient avoir pour but de fasciner l'imagination et de séduire le cœur. La tenture était en soie couleur de paille et ornée de plusieurs paysages et de tableaux d'histoire, dont les sujets se ressentaient du caractère voluptueux du possesseur. La cheminée, en marbre de Paros, était décorée de différentes figures d'après l'antique. Le lit était de soie et de la même couleur que la tapisserie. Il y avait une riche garniture de pourpre et d'argent et un ciel en forme de dais. Des vases de porcelaine remplis de parfums reposaient dans tous les angles sur des consoles de même structure que la toilette, laquelle était magnifique et ornée d'une infinité de colifichets. Adeline jeta en passant un coup d'œil sur ces divers objets et vint examiner les fenêtres. Elle descendait jusqu'au parquet et s'ouvrait sur un balcon en face du jardin qu'elle avait aperçu du salon. Elles étaient alors condamnées et tous ses efforts pour les ouvrir furent inutiles. Son attention fut attirée par une porte qui ne se trouva pas fermée. Elle donnait sur un cabinet de toilette où elle descendit par quelques degrés. Deux fenêtres frappèrent ses regards. L'une refusa de s'ouvrir, mais son cœur palpita d'une joie subite lorsque l'autre s'ouvrit sous sa main. Dans son premier transport, elle oublia que la hauteur de la fenêtre pourrait s'opposer à l'évasion qu'elle méditait. Elle revint pour fermer la porte du cabinet afin de prévenir toute surprise. Précaution au surplus inutile, la porte de la chambre à coucher étant déjà fermée. Alors elle regarda par la croisée. Dorentel était le jardin. Il s'aperçut que la fenêtre qui descendait jusqu'au parquet s'approchait si fort de la terre qu'elle pouvait y sauter facilement. Presque au même instant, elle s'élança en dehors et se trouva sans accident dans un immense jardin, ressemblant plutôt à ceux des pavés d'Angleterre qu'à une suite de parterres français. Elle ne se doutait guère qu'elle ne pût sortir de là, soit par quelque brèche, soit par quelque partie basse de la muraille. Elle courut rapidement le long de la clôture. L'espoir faisait battre son cœur. Les nuages de la dernière tempête étaient alors dispersés, et la clarté de la lune, qui donnait sur les espaces découverts et brillantait les fleurs encore chargées de gouttes de pluie, lui offrait une perspective distincte de la scène d'alentour. Elle suivit la direction du grand mur qui tenait au château, jusqu'à ce qu'il fût caché à sa vue par un amas de plantes sauvages, si touffues et si embarrassées de branches épaisses qu'elle n'osa s'y enfoncer. Elle tourna sur sa droite, dans une allée qui la conduisit à un lac couronné d'une haute futaie. Les rayons de la lune se jouant sur les eaux, dont la douce ondulation venait caresser le rivage, présentaient une scène d'une beauté tranquille qui aurait calmé un cœur moins agité que celui d'Adeline. Elle lui donna un coup d'œil, soupira et passa outre promptement pour chercher le mur du jardin dont elle s'était considérablement éloignée. Après avoir erré quelque temps à travers les allées et les esplanades, sans rien rencontrer qui ressemblât à une clôture, elle se retrouva encore auprès du lac et suivit alors sa rive avec les pas du désespoir. Des pleurs coulaient sur ses joues. La scène d'alentour n'offrait que des images de paix et de volupté. Tous les objets semblaient dormir. Pas un souffle ne remuait le feuillage. Pas le moindre bruit ne s'élevait dans l'air. Ce n'est que dans son sein que régnait le désordre et la douleur. Elle continua de suivre les contours du rivage et fut enfin conduite par une allée dans un sentier qui montait doucement en tournant sur le flanc d'un coteau. L'obscurité y était si profonde qu'elle ne trouva son chemin qu'avec difficulté. Tout à coup, l'avenue se termina par un bosquet élevé et elle aperçut une lumière qui partait d'un réduit à quelque distance. Elle s'arrêta. Son premier mouvement fut de se retirer, mais ayant prêté l'oreille sans entendre aucun bruit, son âme eut un faible rayon d'espoir que la personne à qui appartenait cette lumière pourrait consentir à favoriser sa fuite. Elle avança en tremblant et avec précaution du côté du réduit afin d'observer en secret la personne avant de se risquer à y entrer. Plus elle approchait, plus son émotion augmentait. Arrivée sous le berceau, elle vit, à travers une croisée ouverte, le marquis couché sur un sofa auprès d'une table couverte de vin et de fruits. Il était seul et avait le visage enluminé par ses libations bachiques. Pendant qu'elle regardait, enchaînée sur la place par la terreur, il jeta les yeux du côté de la fenêtre. La lumière donnait en plein sur la figure d'Adeline, mais elle ne resta pas pour s'assurer s'il l'avait aperçue, car elle quitta l'endroit avec la rapidité de l'éclair et s'enfuit sans savoir si elle était poursuivie. Après avoir fait beaucoup de chemin, la lassitude la força enfin de s'arrêter et elle se jeta sur le gazon, presque évanouie de crainte et de langueur. Elle savait que, si le marquis la surprenait tentant de s'échapper, il franchirait probablement les bornes qu'il s'était imposées jusqu'alors. Elle redoutait donc les plus affreux dangers. Les palpitations de la terreur étaient si fortes qu'elle avait peine à respirer. Elle épia, elle écouta dans une attente craintive, mais nulle forme humaine ne s'offrit à ses regards, nul bruit ne frappa son oreille. Elle resta un temps considérable dans cet état. Elle pleura, et ses larmes soulagèrent son cœur oppressé. « Ô mon père, dit-elle, pourquoi avez-vous abandonné votre enfant ? Si vous saviez les périls où vous l'avez exposée, sûrement vous auriez pitié d'elle, vous viendriez à son secours. Hélas, ne trouverai jamais un ami. Suis-je toujours destiné à donner ma confiance pour être abusé ? Pierre aussi aurait-il pu me trahir ? » Elle pleura encore et revint au sentiment de son danger actuel et à la considération des moyens de s'y dérober, mais elle n'en voyait aucun. À son imagination, le parc semblait n'avoir point de limite. Elle avait erré d'esplanade en esplanade, de bosquet en bosquet, sans apercevoir aucune clôture. Elle ne put retrouver le mur du jardin, mais elle résolut de ne pas revenir au château et de ne pas abandonner sa recherche. Comme elle se levait pour s'en aller, elle vit une ombre se mouvoir à une certaine distance. Elle resta tranquille pour l'observer. L'ombre avançait lentement, et disparut soudain. Mais elle vit sur le champ une personne sortir de l'obscurité et s'approcher de l'endroit où elle était. Elle ne doutait point que le marquis ne l'eût aperçue. Elle courut avec toute la rapidité possible sous l'ombrage d'un bosquet à sa gauche. Des pas la poursuivaient, et elle entendit répéter son nom pendant qu'elle s'efforçait vainement de précipiter sa course. Tout d'un coup, le bruit de la poursuite se détourna et se perdit dans une direction différente. Elle s'arrêta pour reprendre haleine. Elle regarda autour d'elle. Personne ne parut. Alors elle s'avança lentement le long de l'avenue et touchait presque à son extrémité lorsqu'elle vit la même figure sortir de dessous les arbres et s'élancer au milieu de l'allée. On la poursuit et on l'approche. Une voix l'appelle, mais elle ne pouvait l'entendre, car elle était tombée sur la terre sans connaissance. Elle ne reprit ses sens que longtemps après, et ce fut pour se trouver dans les bras d'un étranger. Elle fit un effort pour s'en débarrasser. « Ne craignez rien, aimable Adeline, dit-il, ne craignez rien. Vous êtes dans les bras d'un ami qui affrontera tous les hasards pour vous servir, qui vous protégera au péril de ses jours. » Il la pressa doucement contre son corps. « M'avez-vous donc oublié ? » ajouta-t-il. Elle regarda attentivement et fut convaincue que c'était Théodore qui venait de lui parler. La joie fut sa première émotion, mais se rappelant son départ subit dans un moment aussi critique pour sa sûreté et qu'il était ami du marquis, mille sensations confuses se combattaient dans son sein et la plongeaient dans un abîme de défiance, d'appréhension et de désespoir. Théodore la releva et en la soutenant, « Fuyons sur le champ de ce lieu, dit-il, une voiture nous attend. Elle suivra le chemin que vous indiquerez et vous conduira auprès de vos amis. » Cette dernière phrase pénétra son cœur. « Hélas, je n'ai point d'amis, dit-elle, et je ne sais où aller. » Théodore serra tendrement sa main dans la sienne et lui dit du ton de la plus douce pitié. « Eh bien, mes amis seront les vôtres. Laissez-moi vous conduire auprès d'eux. Mais je suis dans des transes mortelles. Tant que vous resterez en ces lieux, hâtons-nous d'en sortir. » Adeline allait répondre lorsqu'ils entendirent des voix à travers les arbres. Théodore, la soutenant avec son bras, l'entraîna le long de l'avenue. Ils continuèrent de fuir jusqu'à ce qu'Adeline, perdant la respiration, ne pût aller plus avant. Après s'être reposés un moment sans entendre aucun pas à leur poursuite, ils reprirent leur course. Théodore savait qu'ils n'étaient pas éloignés des murs du jardin, mais il songeait aussi que, dans l'espace intermédiaire, divers sentiers venant des parties de l'enclos les plus éloignées, aboutissait dans l'allée où il fallait passer et que les gens du marquis pouvaient en sortir pour le croiser. Toutefois, il cacha ses craintes à Adeline et s'efforça de calmer et de rassurer ses esprits. Enfin, ils arrivèrent à la clôture et Théodore la conduisait à une partie basse de la muraille, vers l'endroit où était la voiture, lorsqu'ils entendirent encore des voix dans les airs. Les esprits et la force d'Adeline étaient presque épuisés, mais elle fit un dernier effort pour avancer et vit bientôt, à quelque distance, l'échelle dont Théodore s'était servi pour descendre dans le jardin. « Encore un peu de courage, dit-il, et vous êtes sauvés. » Il tint l'échelle pendant qu'elle montait. Le haut de la muraille était large et uni. Adeline, y étant arrivée, attendit Théodore. Il la suivit et tira l'échelle de l'autre côté. Lorsqu'ils furent descendus, ils virent la voiture, mais le conducteur n'y était plus. Théodore tremblait d'appeler, de peur que sa voix ne le découvrît. Il mit donc Adeline dans la chaise, et alla lui-même pour chercher le postillon. Il le trouva endormi sous un arbre à quelques pas. L'ayant éveillé, ils retournèrent à la voiture et partirent ventre à terre. Adeline n'osait pas encore se croire hors de danger, mais après qu'ils eurent marché assez longtemps sans interruption, la joie de son cœur éclata et elle remercia son libérateur dans les termes de la plus vive reconnaissance. Théodore lui répondit avec un ton de voix et des manières dont la sympathie prouvait que son bonheur en cette occasion égalait celui de sa compagne. À mesure que la réflexion s'emparait de l'âme d'Adeline, l'anxiété y suspendait l'allégresse. Dans ces instants d'agitation, elle ne songeait qu'à fuir. Mais les circonstances de sa situation présente la frappèrent. Elle devint silencieuse et pensive. Elle n'avait point d'amis près desquels elle put se réfugier, et elle s'en allait sans savoir en quel lieu, avec un jeune militaire qui lui était presque étranger. Elle se rappela combien de fois elle avait été abusée et trahie par ceux à qui elle avait accordé le plus de confiance, et elle tomba dans l'accablement. Elle se rappelait aussi les premières attentions que Théodore lui avait témoignées, et tremblait que cette conduite n'eût été inspirée par une passion égoïste. Elle voyait que cela était possible, mais elle se refusait à le croire probable et sentait que rien ne pouvait l'affliger davantage que de soupçonner l'honnêteté de Théodore. Il interrompit sa rêverie en lui parlant de sa situation à l'abbaye. « Vous avez dû être bien étonné, dit-il, et sans doute bien offensé, de ne point me voir à mon rendez-vous, après les avis alarmants que je vous avais donnés dans notre dernière entrevue. Cette circonstance m'a peut-être fait tort dans votre estime, si toutefois j'avais été assez heureux pour l'avoir obtenue. Mais mes desseins ont été dominés par ceux du marquis de Montalt, et je crois pouvoir vous assurer qu'en cette conjecture, ma douleur a été pour le moins égale à vos appréhensions. » Adeline dit qu'elle avait été très alarmée de ses avis et de ne point recevoir d'informations ultérieures concernant le danger qui la menaçait et que... Elle retint les paroles qu'elle avait sur les lèvres, car elle s'aperçut que sans y prendre garde, elle manifestait le penchant que renfermait son cœur. Il y eut un silence de quelques moments, et ni l'un ni l'autre n'était tranquille. Enfin, Théodore renoua la conversation. « Permettez-moi, dit-il, de vous instruire des circonstances qui m'ont privé de l'entrevue que je vous avais demandée. Je suis impatient de me justifier. » Sans attendre la réponse d'Adeline, il lui raconta que le marquis avait, par des moyens inexplicables, appris ou soupçonné le sujet de leur dernière conversation, et que voyant ses projets en péril d'être déjoués, il avait pris des mesures efficaces pour l'empêcher d'en être plus amplement informé. Adeline se rappela aussitôt que Théodore avait été vu avec elle dans la forêt par Lamotte, qui sans doute avait soupçonné leur inclination naissante et avait eu soin d'avertir le marquis que, selon toute apparence, il avait un rival dans son ami. « Le lendemain de notre dernière entrevue, dit Théodore, le marquis, qui est mon colonel, m'ordonna de me préparer à rejoindre mon régiment et fixa mon départ au lendemain matin. Cet ordre subi ne laissa pas de me surprendre, mais je ne fus pas longtemps à en savoir le motif. Un domestique du marquis, que j'avais longtemps à mon service, entra dans ma chambre aussitôt après que j'eus quitté son maître, et m'exprimant son regret de me voir partir si précipitamment, laissa échapper quelques indices qui excitèrent ma surprise. Je lui fis des questions, et je fus confirmé dans les soupçons que j'avais conçus depuis quelque temps des projets du marquis sur votre personne. Jacques m'apprit que notre dernière entrevue avait été remarquée et rapportée au marquis. Il savait cela d'un de ses camarades, et j'en fus si effrayé que je l'engageai à me donner de temps en temps des avis sur la conduite du marquis. Dès lors, j'attendis avec un redoublement d'impatience le soir qui devait me ramener auprès de vous. Mais l'adresse du marquis déconcerta entièrement mes efforts et mes vœux. Il s'était engagé à passer la journée à la maison de campagne d'un homme de qualité, éloigné de quelques lieux, et malgré toutes les excuses que je pus donner, il me fallut l'accompagner. Forcé d'obéir, je passai la journée dans l'agitation et l'anxiété la plus affreuse. Il était minuit avant que nous fussions de retour au château du marquis. Je me levai le lendemain de bonne heure pour me mettre en route et je résolus de chercher à vous voir avant de quitter le pays. Lorsque j'entrai dans la salle à déjeuner, je fus très étonné d'y trouver déjà le marquis, lequel, en trouvant la matinée superbe, déclara que son intention était de m'accompagner jusqu'à Chinon. Privé tout à coup de ma dernière espérance, je crois que mon visage exprima ce que je sentais, car les regards curieux du marquis passèrent aussitôt de l'indifférence au mécontentement. Il y a au moins 12 lieues de Chinon à l'abbaye. J'eus d'abord l'intention de revenir de cet endroit, mais je songeais que ce serait un bien grand hasard si je pouvais vous trouver seul, et de plus que si Lamotte m'apercevait, cela réveillerait tous ses soupçons et le mettrait en garde contre tous les plans que je croirais convenables de tenter à l'avenir. Je continuai donc ma route pour rejoindre mon régiment. Jacques me transmit de fréquents renseignements sur les opérations du marquis, mais sa manière de s'exprimer était si peu claire qu'ils ne servirent qu'à m'embarrasser et à me désoler. Sa dernière lettre m'alarma à tel point que le séjour de ma garnison me devint insupportable, et comme il m'était impossible d'obtenir un congé, je quittai le corps secrètement et vins me cacher dans une chaumière, environ à 1 mile du château, afin d'être plutôt instruit des projets du marquis. Jacques me donna chaque jour des informations et enfin m'annonça l'horrible complot tramé pour la nuit suivante. J'avais bien peu de probabilité de pouvoir vous prévenir de votre danger. Si je me hasardais d'approcher de l'abbaye, Lamotte pouvait me découvrir et rendre inutiles toutes mes tentatives pour vous sauver. Je résolus pourtant d'encourir les risques dans l'espérance de vous voir. Et à la chute du jour, je me préparais à gagner l'abbaye lorsque Jacques parut et m'apprit qu'on devait vous conduire au château. Mon plan devint d'une exécution moins difficile. J'appris encore que le marquis, n'ayant plus aucune crainte de vous perdre, projetait, à l'aide de ces raffinements de luxe qui ne lui sont que trop familiers, de vous rendre favorable à ses vœux et de vous séduire par de fausses propositions de mariage. M'étant procuré la connaissance de la chambre qui vous était destinée, j'ai fait apposer une voiture pour nous attendre, et avec l'intention d'escalader votre fenêtre et de vous délivrer, je suis entré à minuit dans le jardin. Théodore ayant achevé de parler, « Je ne connais point d'expression, dit Adeline, qui puisse vous rendre le sentiment des obligations que je vous ai, ni la reconnaissance dont me pénètre votre générosité. » « Ah, n'appelez pas cela de la générosité, répliqua-t-il, c'était de l'amour. » Il s'arrêta. Adeline garda le silence. Après quelques moments d'une émotion excessive, il reprit. « Pardonnez cette brusque déclaration, mais pourquoi la nommer brusque, lorsque mes actions vous ont déjà découvert ce que ma bouche n'a osé vous avouer jusqu'à cet instant ?» Il fit encore une pause. Adeline se taisait toujours. « Rendez-moi cependant la justice de croire que je sens combien il est déplacé de vous parler à présent de mon amour. » Mais l'aveu m'en a été surpris. Je vous promets aussi de m'abstenir de renouveler ce discours jusqu'à ce que vous soyez dans une situation où vous puissiez accepter ou refuser librement l'attachement sincère que je vous offre. Toutefois, si je pouvais être assuré maintenant de posséder votre estime, je serais délivré de l'inquiétude la plus cruelle. » Adeline s'étonna qu'il eût douté de son estime après le service généreux et signalé qu'il lui avait rendu, mais elle était encore étrangère à la timidité de l'amour. « Pouvez-vous me croire ingrate ? » dit-elle d'une voix tremblante. « Est-il possible que j'envisage vos démarches amicales en ma faveur sans vous estimer ?» Théodore lui prit aussitôt la main et la pressa en silence contre ses lèvres. Ils étaient tous les deux trop émus pour converser, et ils continuèrent de marcher pendant plusieurs milles sans s'adresser une parole.